Rendre le bonheur plus profond et le plus permanent possible, c'est sans doute ça le but de la sagesse. La sagesse nous invite à être nous-mêmes pour mieux nous accorder au monde, à devenir libres, à grandir en humanité. Cet idéal des anciens, du Bouddha à Spinoza, demeure on ne peut plus actuel. Dans mon nouveau livre, j'ai voulu le réhabiliter parce que c'est ma propre quête. La sagesse expliquée à ceux qui la cherchent, un livre lumineux et enthousiaste de Frédéric Lenoir, aux éditions du Seuil. Bonjour cher Emmanuel et bonjour à vous qui nous écoutez aujourd'hui de l'autre côté du poste ou devant moi dans l'auditorium du Palais des Beaux-Arts de Lille à l'occasion du festival Cité Philo qui nous accueille comme chaque année pour y enregistrer 4 épisodes des chemins en public avec les meilleurs pour parler cette saison du féminin. Mon invité hier pensait que le terme de féminin n'était plus valide et elle proposait qu'on arrête de l'employer. Malgré tout, le festival continue, les émissions continuent et aujourd'hui, une question, quelle place pour les femmes dans l'université? On commence avec les femmes à la NASA et Rihanna. Pastor mentioned you're a computer at NASA. Yes. What's that entail? We calculate the mathematics necessary to enable launch and landing for the space program. Alors comme ça, vous êtes calculatrice à la NASA. C'est exact. Qu'est-ce que cela implique? Nous effectuons les calculs mathématiques nécessaires au lancement et atterrissage pour le programme spatial. On peut dire que c'est du sérieux. Oui, en effet. On laisse des femmes se charger de toutes ces... Enfin... Je me suis mal fait comprendre. Faites-vous bien comprendre? Eh bien, je suis surpris que des missions aussi exténuantes... Oh, Monsieur Johnson, si j'étais à votre place, je ne dirais plus rien. Je ne voulais pas vous manquer de respect. Vous l'ignorez sans doute, mais il se trouve que j'ai été la première doctorante noire de l'Université de Virginie-Occidentale. Tous les jours de la semaine, j'analyse les relevés manométriques pour l'aérodynamique, le frottement et la vélocité. J'effectue plus de 10 000 opérations de calcul avec des cosinus, des racines carrées et de la géométrie analytique cette semaine. À la main. Il y a 20 calculatrices de couleur au groupe Ouest, toutes des femmes compétentes au plus haut point, et nous participons fièrement à l'effort national. Alors oui, on confie des missions aux femmes à la NASA, Monsieur Johnson. Non pas parce que nous portons des jupes, mais parce que nous chaussons des lunettes. Bien le bonjour. I come fluttering in for Neverland. Time can never stop me, no, no, no, no. I know you try to. I come riding in on a pale white horse. And in our hearts too less fortunate. I do as I. Bonjour Nathalie Hennick. Bonjour. Bienvenue sur le chemin de la philosophie, ici à Lille. Et bonjour au public qui est venu nombreux vous écouter aujourd'hui. Il est bien là. Est-ce que vous connaissez le film Les Figures de l'Ombre, Nathalie Hennick? Je l'ai vu, c'est un excellent film. Alors, je suis d'accord, c'est un film de Théodore Melfi qui est une adaptation du livre intitulé Hidden Figures de Margot Lee Shetterly qui met en scène la physicienne, mathématicienne et ingénieure spatiale américaine Katherine Johnson qui a contribué au programme aéronautique et spatiaux de la NASA. La scène qu'on vient d'entendre, qui est délicieuse, qui est très drôle, est en fait aussi extrêmement représentative des préjugés en cours dans les différents domaines, et notamment dans le domaine scientifique, n'est-ce pas? Oui, alors, cela dit, le film se passait il y a un demi-siècle. Mais, c'est vrai, alors, c'est ça qui est inquiétant. C'est inquiétant. En même temps, je pense qu'on n'aurait pas pu le faire avant l'époque où il a été fait, c'est-à-dire très récemment. Parce que pour pouvoir faire un film sur l'invisibilisation des femmes chercheurs, ce qui est le cas dans ce film, il faut en avoir pris conscience. Et en effet, depuis 50 ans, on commence à prendre conscience du fait qu'il y a peut-être une petite discrimination. Alors, dans le film qui est américain, c'est les femmes noires en plus. Hein. Il y a double discrimination. Mais là, on va s'en tenir aux femmes, hein, puisque c'est le sujet aujourd'hui. Et donc, il faut, pour voir une invisibilisation, il faut en avoir pris conscience, parce que sinon, elle est transparente. Voilà. Et donc, il faut le temps, la prise de conscience collective, qui permet ensuite de montrer cette invisibilisation et de la rendre risible, hein, puisque tout le monde a ri à cet extrait. C'est donc vrai. Ça nous paraît absolument incroyable qu'un homme puisse être à ce point... ouvertement sexiste et le dire. Bon, alors, ensuite il s'empêtre un petit peu parce qu'il se prend les pieds dans ses propres mots. Il se rend compte tout en le disant à quel point ce qu'il dit peut être quand même très très mal vécu. Mais n'empêche que c'est ce qu'il pense, quoi. Alors ça continue aujourd'hui à être un petit peu comme ça, mais pas autant, parce que justement il y a une prise de conscience qui s'est fait jour, mais les fondements sexistes dans le monde de la recherche sont toujours très, très présents. Bon, en tout cas, personne ici n'a ri, aucun homme je crois n'a ri quand vous avez pris la parole, donc c'est plutôt bon signe. Ah si. Vous êtes Nathalie Hennig, sociologue et directrice de recherche au CNRS, vous avez travaillé sur la question de l'identité. État de femme, c'était l'un de vos livres aussi, l'identité féminine dans la fiction occidentale, les ambivalences de l'émancipation féminine, aux éditions Albin Michel, ça c'était il y a 15 ans maintenant, donc la question de la femme vous occupe et vous préoccupe, y compris dans vos travaux de recherche, mais vous êtes, surtout en ce qui concerne l'émission du jour, aussi l'auteur d'une banque de données sur l'invisibilisation de la pensée des femmes, une banque de données alors qu'on va trouver en ligne ce week-end sur le site du Monde, donc qui est disponible en intégralité, que l'on peut consulter. C'est un travail assez surprenant, parce que ce qui est très subjectif, enfin, c'est vous en tant qu'auteur. C'est pas seulement moi, hein, c'est une banque de données collective. Alors, oui, je l'ai initié. Vous dites « je », en tout cas. Non, mais je l'ai initié, oui. Donc je suis assez présente dans les exemples, mais il y a des exemples qui m'ont été donnés par des collègues, et chacune dit « je ». Donc le « je » ne renvoie pas forcément à moi-même. Hein. Et donc l'idée était, je vais vous laisser présenter ce projet, mais on a donc à notre disposition une banque de données qui restitue plusieurs expériences, scènes, cas de figure auxquelles vous ou vos collègues ont assisté, qui permet de prendre conscience de l'invisibilité des femmes dans la recherche, en France, mais pas seulement d'ailleurs. Oh ben pas seulement, parce que c'est tout le monde occidental, en tout cas le monde académique, hein, qui est essentiellement fortement occidentalisé, est touché par cette question-là. Bon, sauf que la banque de données, elle se fait à partir de la France, donc évidemment, pour le moment, c'est plutôt des exemples français, même si on a quelques exemples étrangers. Déjà. Alors pourquoi une banque de données ? Parce que l'idée, c'est de documenter, de donner des témoignages de quelque chose qui n'apparaît pas pour le moment autrement que sous la forme du bouche à oreille, c'est-à-dire qu'on se raconte entre femmes. Tu sais ce qu'il m'a dit, tu sais ce qu'il m'a fait. Bien, on se raconte les indélicatesses, disons, dont nous sommes les victimes. Mais ça reste simplement de la plainte entre personnes. Et du coup, ça n'est pas public. Et du coup, ça ne fait rien, si ce n'est soulager notre colère sur le moment. Mais ça ne produit pas une prise de conscience. Et je me suis dit qu'en faisant un travail à la fois collectif, puisque donc on est tout un collectif informel hein, qui a contribué à cette banque de données. Et cette banque de données a vocation à s'étoffer, puisqu'on attend les contributions d'autres femmes chercheurs. Donc, en rendant ce travail collectif et surtout en le rendant public, on va pouvoir peut-être contribuer à ce qu'il y ait une prise de conscience des hommes, mais aussi des femmes. Parce que, en parlant, j'ai réalisé que beaucoup de femmes ressentent des problèmes, mais sont pas vraiment conscientes, n'ont pas vraiment conscience que c'est systématique, hein, qu'il y a un vrai plafond de verre universitaire, et que surtout cette prise de conscience amène à modifier un petit peu les pratiques. Alors précisons ce que vous entendez par invisibilité, parce que les femmes, nous les voyons dans le domaine académique, il y a même certains domaines où elles sont aussi présentes numériquement que les hommes. Invisibilité pour vous s'applique davantage à leurs travaux. Qui, dites-vous, ont moins d'influence et sont moins prises en compte que ceux des hommes ? Alors, c'est plutôt qu'invisibilité, c'est l'invisibilisation, c'est-à-dire le fait de rendre invisible quelque chose qui existe déjà, mais qui n'est pas suffisamment pris en compte. Alors, pour comprendre le phénomène, il faut comprendre, et je crois que tout le monde n'est pas au courant, comment fonctionne le monde universitaire. Il fonctionne avec des règles très précises de citation par les pairs, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un a publié dans une revue scientifique, dans un livre, etc., ou dans des actes de colloque a publié quelque chose sur un sujet, celui qui ensuite revient sur le même sujet est censé, dans la mesure du possible, avoir lu et mentionner ce qui a été apporté par la personne précédente. Pourquoi ? Parce que c'est d'abord la traçabilité des sources, hein, c'est la façon pour le lecteur de s'assurer que le travail repose sur des éléments qui sont déjà documentés, qui ont déjà été sélectionnés par les pairs, hein, puisque quand on publie dans une revue scientifique, on est sélectionné par nos pairs. Bon. Et puis c'est PAIR, bien sûr. Et c'est aussi une forme minimum de courtoisie qui consiste à ne pas voler l'idée de quelqu'un d'autre, parce que prendre une idée sans dire qu'elle a déjà été publiée par quelqu'un d'autre, c'est voler. C'est ce qu'on appelle un plagiat. Bon. Et donc, nous avons des règles déontologiques extrêmement précises qui font que le plagiat est une faute professionnelle gravissime, qui peut même nous mener devant les tribunaux, et que l'antériorité est un élément fondamental, savoir qu'on a, avant les autres, eu l'idée d'inventer tel concept, c'est pour nous ce qui est fondamental parce que c'est ce qui nous donne une gratification. Et les gratifications, elles sont importantes dans le milieu de la recherche parce qu'on n'est pas franchement payé proportionnellement à notre quantité ni à notre qualité de travail. On n'est pas très bien payé pour tout dire. Et la seule façon qui nous permette de compenser ce manque de, disons, de gratification financière, ben, c'est la reconnaissance, c'est-à-dire la gratification symbolique qui est simplement qu'on nous crédite de nos idées. Donc ça, c'est le fonctionnement normal, sauf que dans la réalité, ce fonctionnement n'est pas aussi normal que ça. C'est-à-dire que beaucoup trop de chercheurs s'abstiennent de ces règles de base qui consistent à citer, à mettre en bibliographie, à reconnaître le travail de leurs prédécesseurs, et d'autant plus, apparemment, lorsqu'il s'agit de femmes. Voilà, ça c'est ce point qui est important, parce que ce que vous dites concerne une forme d'éthique intellectuelle qui ne serait pas toujours absolument respectée. Ma question, c'est comment se fait-il qu'elles soient d'autant moins respectées que les victimes en sont des femmes? Et ça, c'est la quantité d'exemples et le caractère absolument spectaculaire de certains exemples nous montre bien que cette discrimination est bien liée à la différence homme-femme, c'est-à-dire que les femmes sont particulièrement sujettes à cette forme d'invisibilisation. Il y a fort à parier que ce phénomène que vous décrivez aujourd'hui, puis on va venir plus précisément dans cette banque de données, n'a rien de nouveau. Et si on suit ce raisonnement-là, si on le tient pour vrai, ça voudrait dire en fait que depuis toujours, dans l'histoire de la pensée et de la recherche, les femmes ont peut-être été aussi présentes que les hommes, mais parce qu'elles ont été moins prises en compte, moins citées, elles auraient comme disparu dans la mémoire collective. Alors, elles étaient moins présentes, hein, puisque... Institutionnellement, oui. Institutionnellement, la présence des femmes à l'université dans le monde occidental remonte à la seconde moitié du 19e siècle. Avant 1860, voilà. Les femmes n'avaient pas accès à l'université. Donc, nous en sommes à la 5e ou 6e génération de femmes universitaires, ce qui est très peu au regard de l'histoire de l'humanité. Donc, on est au tout début. Donc, de toute façon, il y a eu beaucoup moins de femmes chercheurs, enseignantes, pour les raisons évidente liée à la question du statut des femmes dans le monde occidental. Bon, on va pas y revenir, on connaît ça très bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt dans le monde actuel où, grosso modo, le recrutement n'est pas si déséquilibré que ça entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire que plus on avance dans le temps et plus le différentiel homme-femme diminue. Hein, il y a de plus en plus de femmes artistes, de femmes chercheurs, etc. Et malgré cette relative égalité, même s'il y a continué à avoir plus d'hommes que de femmes, la visibilité du travail conceptuel des femmes, de leur pensée, est moins assurée. Non pas, me semble-t-il, que leur pensée soit moins intéressante, mais simplement, elle est moins citée. On en fait moins état. Pourquoi ? Parce qu'il me semble qu'il y a une forme de plafond de verre qui est spécifiquement universitaire, qui est l'intériorisation de l'idée que les femmes n'auraient pas droit à une certaine ambition théorique. Et cette intériorisation, malheureusement, elle se fait aussi par les femmes elles-mêmes, hein, qui souvent s'auto-contraignent, s'auto-interdisent un certain niveau d'ambition, mais sont aussi interdites simplement par le fait que on ne leur reconnaît pas tout simplement, par exemple, la paternité, si on peut dire, de leur concept. Hein, maternité. Ou maternité, hein, bon, peu importe, mais en tout cas, il arrive que dans la même phrase, un concept soit référé à son auteur homme et un autre concept soit référé à personne. Il se trouve que l'auteur de ce concept était une femme. Voilà, moi ça m'est arrivé. Bon, voilà, ça fait partie des exemples que je donne dans la banque de données. Et alors, votre travail est motivé par une volonté de dénoncer ou d'attirer l'attention sur l'inégalité entre les hommes et les femmes, ou pour attirer l'attention sur le mauvais fonctionnement de l'université et de la recherche? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais je pense pas que ce soit un mauvais fonctionnement des institutions de la recherche, parce que nous avons les règles, nous avons tout ce qu'il faut pour que les choses fonctionnent normalement. Je pense que c'est plutôt une question psychologique, mais de psychologie collective, puisque c'est très répandu, qui est cette forme de discrimination sous-jacente, quasi invisible, et d'inégalité tellement intériorisée que souvent même les femmes la reproduisent. Hein. J'ai des exemples de sexisme venant des femmes qui sont croustillants dans la banque de données. Donc c'est plutôt l'idée d'une prise de conscience collective sur le fait qu'il y a une injustice et que on est en mesure de la réparer, simplement en étant plus attentif à la question. Je vous pose cette question-là parce que votre but n'est pas de faire en sorte que les femmes soient reconnues en tant que femmes. Non. Il n'y a pas un combat identitaire ou genré. Alors, c'est un des grands débats en ce moment, hein, au sein des, notamment du mouvement féministe, hein, entre les féministes qu'on appelle universalistes et les différentialistes. Les universalistes veulent l'égalité, ou en tout cas l'absence d'injustice entre hommes et femmes, au nom de l'idée que notre référence serait une condition humaine universelle, et donc nous ne cherchons pas à nous faire reconnaître en tant que femmes, mais à nous faire reconnaître tout simplement en tant que professionnels dans notre métier, en tant qu'être humain, en tant que citoyen, etc. Et à l'opposé, le féminisme différentialiste, lui, insiste sur les différences entre les sexes et notamment sur la spécificité du féminin. Alors, il se trouve que moi, à titre personnel, je suis plutôt du côté universaliste, et donc cette banque de données, dans mon esprit, n'a pas du tout pour but de faire reconnaître la spécificité de la pensée féminine. Je suis pas du tout certaine qu'il y ait une spécificité de la pensée féminine. En tout cas, ça n'est pas mon objet que d'y travailler. Ce que j'essaye de faire, c'est de faire en sorte que nous ne soyons pas discriminés parce que femmes. Il s'agit pas de se faire reconnaître en tant que femme. Moi, je veux pas être reconnue comme une sociologue femme. Ça m'intéresse pas. Je veux être reconnue comme une sociologue, point final. Mais je ne veux pas, parce que je suis une femme, être discriminée. Et donc c'est assez subtil. Je dois dire que j'ai rencontré quelques hésitations, quelques réticences auprès de certaines des femmes à qui j'avais adressé ce projet de banque de données, parce que certaines d'entre elles ne voulaient pas tomber dans cette logique différentialiste de vouloir être reconnue en tant que femme. Bon, et je leur ai dit, en effet, moi non plus, je ne veux pas être reconnue en tant que femme, mais je ne veux pas être discriminée parce que femme. Alors, si on ouvre votre banque de données, on trouve plusieurs classements, en fait, de formes d'invisibilisation de travaux des femmes, l'absence de citations, les bibliographies lacunaires, la minimisation de l'influence, le refus d'antériorité. Et à chaque fois, vous expliquez ce que ça signifie. Par exemple, absence de citation, on a la petite légende, ne pas mentionner les travaux d'un chercheur vous ayant précédé est un procédé classique d'élimination symbolique des concurrents dans le monde intellectuel. Il semble que ce procédé soit particulièrement fréquent s'agissant des concurrentes. Pourquoi, alors qu'une prime de sérieux devrait être accordée d'emblée à l'abondance des lectures et à la précision des sources, semble-t-il plus avantageux à un chercheur de s'abstenir de mentionner celle-ci lorsque cela l'obligerait à citer une femme ? La question présuppose déjà une prise de position, c'est le moins qu'on puisse dire. Bah, tout à fait, c'est une question tout à fait rhétorique, hein, et je pense qu'en effet, lorsque un fonctionnement normal ne se fait pas, c'est-à-dire lorsque des gens font une atteinte, hein, aux règles, tout simplement, et là ce sont les règles déontologiques de citation, eh ben, il faut qu'il y ait un intérêt puissant quand même à ne pas le faire, hein. Normalement, quand on est un chercheur sérieux, on est très content de faire état de toutes ces lectures et de citer le maximum, de dire voilà, j'ai lu ça, un tel dit ça, mais je suis pas d'accord, un tel dit ça, je suis d'accord. Bon, c'est le travail normal du chercheur. Si on ne le fait pas, il y a quelque chose d'anormal. Et pourquoi est-ce que on ne le fait pas? C'est que probablement, dans certains cas, il paraît plus coûteux de citer un collègue qui est en même temps un concurrent, puisque nous sommes dans des espaces de concurrence, lorsque c'est une femme, et on trouve ça alors plus normal de ne pas le faire. On va vous dire, mais pourquoi dites-vous que ce sont plus les femmes qui ne sont pas citées que les autres? C'est là où on peut vous dire, mais oui, mais ça, c'est peut-être juste de la malhonnêteté intellectuelle. Peut-être que même beaucoup de femmes ne citent pas elles-mêmes leurs prédécesseurs. Alors, certains, bien sûr. C'est quelque chose qui se fait pas seulement contre les femmes, évidemment. Mais simplement, il me semble que ça se fait de façon d'autant plus facile lorsqu'il s'agit d'une femme. Je donne l'exemple qui a été le point de départ de cette banque de données. Pierre Bourdieu a publié en 98 « La domination masculine », bon, qui est un livre devenu un livre de référence de toutes les revendications féministes. Bon, je l'ai lu à l'époque et puis je suis allée le relire quand même pour vérifier un petit point. Et ce petit point, c'était est-ce qu'il avait cité et discuté dans ce livre, donc paru en 98, les travaux de sa collègue et consoeur au Collège de France, Françoise Héritier, qui 2 ans avant, en 96, avait publié Masculin-Féminin, qui était un livre absolument important, qui avait beaucoup fait parler de lui, et qui portait sur le même sujet. Bon, la règle aurait voulu que, évidemment, il discute ce livre. Il n'est nulle part présent. Elle n'est pas mentionnée une seule fois dans le livre. Là, c'est vraiment un exemple absolument flagrant d'absence de citation, qui est d'autant plus paradoxal qu'il s'agit d'un livre qui dénonce la domination masculine. Donc on a un homme qui s'abstient de citer sa collègue femme qui est arrivée avant lui sur le sujet dans un livre sur la domination masculine. C'est un exemple absolument extraordinaire. Eh bien, pour rétablir la justice aujourd'hui, je vous propose d'écouter non pas Pierre Bourdieu, mais Françoise Héritier en 98 dans Question d'époque sur France Culture. Dans toutes les sociétés du monde, et là je crois qu'on peut l'affirmer, sans exception, on repère toujours cette même domination du masculin sur le féminin. Donc elle pose problème. Pourquoi ? Il y a certainement quelque chose à voir dans l'ancrage dans une nature. Mais entendons-nous bien, pas cette nature qui est celle du discours ordinaire qui inscrit la différence dans la domination du masculin dans une différence de comportement, d'attitude, de qualité et de défauts qui seraient des natures. Bon, alors il y aurait comme ceci une nature féminine, une nature masculine. Les explications les plus claires sont généralement données en fonction de critères qui portent sur, par exemple, la force, que les hommes sont plus forts physiquement que les femmes, ce qui expliquerait et légitimerait un rapport de subordination par la violence. Bon, en fait, quand je parle moi d'une nature, il ne s'agit pas du tout de cette nature-là, mais de quelque chose de beaucoup plus profond et archaïque qui part de cette nécessité de l'homme en société de donner du sens à lui-même, à sa vie en groupe et au monde dans lequel il entoure. Et donner du sens, ça veut dire déjà être capable de classer, de répertorier. Vous écoutez France Culture, Les Chemins de la Philosophie et Françoise Héritier. C'était en 1998, toujours sur France Culture. Aujourd'hui, nous sommes à Lille, au festival Cité Philo, dans l'auditorium du Palais des Beaux-Arts, en compagnie de Nathalie Hennick et du public venu assister à cette rencontre. Nous parlons de l'invisibilité des femmes dans le domaine de la recherche, dans l'université, notamment française. Ce que vous dites donc, Nathalie Hennick, c'est que la thèse que vient de développer Françoise Héritier, savoir la différence peut-être de nature entre l'homme et la femme, mais encore faut-il préciser que nature ici n'est pas force physique, mais capacité à donner du sens à l'existence, aux activités humaines, a été formulée par Françoise Héritier avant d'être formulée par Pierre Bourdieu dans son ouvrage de la domination masculine. C'est pas exactement la même thèse. Non, c'est pas la même thèse, mais le thème de la question de ce que Françoise Héritier a appelé la valence différentielle des sexes est évidemment au cœur du livre de Bourdieu. Donc ça ne veut pas dire qu'il avait forcément la même thèse, mais qu'il avait la même problématique. Or, lorsque on travaille sur une même problématique, on est censé, encore une fois, avoir lu et donc citer ceux qui nous ont précédés. La règle aurait voulu qu'il la cite. En entendant la Françoise Héritier, je me dis que l'équivalent de la force dans sa théorie, pour ce qui est de du monde universitaire, ce serait la théorie justement. C'est-à-dire que nous sommes dans le monde des idées est un monde où plus on est théorique, plus on est grand. Hein. Il faut théoriser pour accéder à de hauts niveaux de reconnaissance intellectuelle. C'est pour ça que la philosophie est au sommet de la hiérarchie des disciplines. Bon, et donc c'est la question de l'invisibilisation de la pensée des femmes se joue notamment dans le fait qu'on leur accorde pas parfaitement le droit d'être de bonnes exécutantes, de bonnes manipulatrices de données, comme dans le film dont on a vu un extrait tout à l'heure. Mais dès lors qu'elle prétendrait à avoir une invention conceptuelle, à inventer des théories, à ce moment-là, ça devient extrêmement difficile de leur reconnaître cette capacité. Et elles-mêmes, je le répète, ont du mal aussi à s'autoriser cette capacité. Alors je vais me faire l'avocate, non pas de Pierre Bourdieu, qui n'a pas besoin de moi pour se défendre, mais peut-être du diable. En tout cas, que répondez-vous à ceux qui vous opposeraient, Nathalie Hennick, le fait que cette banque de données, aussi fiable puisse-t-elle être, puisqu'elle part de votre expérience et de celle de vos collègues, ne peut pas avoir de valeur scientifique dans la mesure où vous racontez ce qui vous est arrivé. Tel jour, tel collègue n'a pas été cité, etc. Pourquoi pas? Et personne ne va le remettre en cause. Mais est-ce que de là à le présenter comme un travail scientifique qui aurait une valeur sociologique et à partir duquel on pourrait tirer des conclusions définitives, le pas n'est pas évident à franchir. Non, c'est pas un travail scientifique, hein, parce que pour ça, il faudrait avoir un corpus extrêmement large, un balayage systématique, faire un appel le plus public possible à contribution. Enfin, on n'est pas du tout dans le cadre formel, scientifique de la constitution d'une banque de données au sens qu'on lui donne dans les disciplines concernées. Je suis pas en train de faire de la sociologie en sens cette banque de données. Je suis plutôt en train de faire du militantisme. Hein. Il s'agit plutôt de recueillir un maximum de témoignages qui illustrent tout simplement ce phénomène. Et donc ça se fait un peu par boule de neige comme ça, hein. Ça se fait un peu de façon bricolée. Mais l'idée, c'est de constituer des éléments matériels à partir desquels réfléchir. Et c'est là où on rejoint quand même des méthodes qui relèvent là de la sociologie. C'est que quand on fait comme moi de la recherche empirique en sociologie, ben on travaille sur des cas. Voilà. Donc là, je fais un recueil de cas, et à partir de ce recueil de cas, j'espère que nous allons être amenés à réfléchir collectivement. Encore une fois, peut-être qu'on y arrivera. D'ailleurs, il est possible que dans 5 ou 10 ans, on aura accumulé tellement de données, on aura tellement systématisé la collecte des cas qu'on pourra dire que c'est quasiment scientifique. Bon, pour le moment, ça ne l'est pas. J'essaye juste d'amorcer la pompe. Hein. C'est vraiment l'idée de recueillir le maximum de témoignages. Bon, voilà. Donc, je vais pas publier ça dans une revue scientifique, par exemple. Mais à partir de quand est-ce qu'on considère qu'une recherche a un caractère scientifique, c'est uniquement en termes numériques? C'est-à-dire que plus il y a de... Finalement, c'est comme ça que fonctionne le sociologue, quand même. C'est de l'enquête, c'est de l'interprétation de données qu'il est allé lui-même récolter. Oui. Et c'est à partir d'un certain nombre de données qu'on peut juger que le caractère scientifique... Un certain nombre de données, ça vaut pour la statistique, mais là, il ne s'agit pas de statistique. Et lorsqu'on fait la sociologie qualitative, ce qui est mon cas, où on travaille, par exemple, par entretien, à ce moment-là, on a des corpus qui sont beaucoup plus faibles parce que arriver à maîtriser un corpus d'entretien, on ne peut pas le faire sur des milliers de cas, donc on peut le faire sur plusieurs dizaines, par exemple. Bon, donc, il y a des normes, hein, c'est dans tous les manuels de sociologie, sur comment faire pour arriver à constituer un corpus soit aléatoire, soit contrasté, soit représentatif. Enfin, il y a toutes sortes de techniques qui sont bien connues en sociologie pour constituer des corpus qui aient une certaine validité, c'est-à-dire à partir desquels on puisse inférer des conclusions plus générales. Hein. On n'en est pas là pour le moment. Encore une fois, il s'agit d'un début de constitution de cas. Voilà. Ce que vous décrivez dans cette banque de données et aujourd'hui avec nous, Nathalie Hennick, n'a rien de nouveau. Ce qui est nouveau peut-être, c'est d'en parler autant et de cette manière-là. Je vous propose qu'on remonte dans le temps. Alors, on a évoqué la date de 1860, qui est la date à laquelle les femmes ont eu accès à l'université. Il faudra attendre encore une vingtaine d'années avant qu'elles aient accès au concours de l'agrégation. On remonte pas si loin, on remonte en 1960, un récit d'une philosophe qui est beaucoup citée, qui est sans doute parmi la seule qui figure dans les manuels scolaires. On trouve Hannah Arendt ou Simone de Beauvoir, bien souvent. Et Simone de Beauvoir, dans ce texte, raconte, alors en plus c'est un texte qui est un mémoire, ça c'est La force de l'âge, qui elle remonte dans les années 1935, et elle raconte comment elle-même, dans sa jeunesse, et ensuite une fois qu'elle a rencontré Sartre, ne pouvait pas se considérer comme philosophe, et sans doute parce qu'elle était une femme. Je vous propose qu'on écoute le texte et qu'on en parle ensuite. L'année précédente, je n'avais rien écrit. Je voulais absolument me remettre à un travail sérieux. Mais lequel ? Pourquoi ne fus-je pas tentée de m'essayer à la philosophie ? Sartre disait que je comprenais les doctrines philosophiques, celles d'Husserl entre autres, plus vite et plus exactement que lui. En effet, il tendait à les interpréter d'après ses propres schèmes. Il n'arrivait que difficilement à s'oublier et à adopter sans réticence un point de vue étranger. Moi, je n'avais pas de résistance à briser. Ma pensée se modelait tout de suite sur celle que j'essayais de saisir. Je ne l'accueillais pas passivement, dans la mesure même où j'y adhérais, j'en percevais les lacunes, les incohérences, comme aussi j'en pressentais les possibles développements. Si une théorie me convainquait, elle ne me restait pas extérieure, elle changeait mon rapport au monde, elle colorait mon expérience. Bref, j'avais de solides facultés d'assimilation, un sens critique développé, et la philosophie était pour moi une réalité vivante. Elle me donnait des satisfactions sur lesquelles je ne me blasais jamais. Cependant, je ne me considérais pas comme une philosophe. je savais très bien que mon aisance à entrer dans un texte venait précisément de mon manque d'inventivité. Dans ce domaine, les esprits véritablement créateurs sont si rares qu'il est oiseux de me demander pourquoi je n'essayais pas de prendre rang parmi eux. Il faudrait plutôt expliquer comment certains individus sont capables de mener à bien ce délire concerté qu'est un système et d'où leur vient l'entêtement qui donne à leurs aperçus la valeur de clé universelle. J'ai dit déjà que la condition féminine ne dispose pas à ce genre d'obstination. Beaucoup de choses se trouvent dans ce texte, Nathalie Hennick, qui vient donc de La force de l'âge, qui est un très beau texte de Simone de Beauvoir, texte dont on questionne justement le sens philosophique, et c'est intéressant qu'elle-même mette les mots là-dessus, comme si finalement il fallait catégoriser, hein, c'est de la littérature, c'est des mémoires, ce sont des mémoires de la philosophie. La première chose que je voudrais signaler, c'est qu'on se plaint souvent du fait que lorsqu'on parle de Beauvoir, on parle toujours de Sartre, comme si on ne pouvait pas parler de Simone de Beauvoir indépendamment de Sartre. Mais c'est ce qu'elle désirait, c'est-à-dire qu'elle l'a dit beaucoup dans ses écrits, c'est qu'elle-même ne souhaite pas parler d'elle indépendamment de lui, dans la mesure où elle se revendique comme étant à la fois parfois son disciple, parfois sa compagne, parfois son admiratrice, etc. Et elle montre comment elle a nourri sa pensée et comment lui-même a pu nourrir sa pensée. Et cette ambivalence-là est intéressante parce qu'elle montre que l'approche de Simone de Beauvoir est loin d'être manichéenne. Elle ne cherche pas à se vivre comme femme, seule, indépendamment des hommes ni de Sartre. Bien sûr, on a tous ce genre d'ambivalence. Et c'est vrai que cette alerte que j'essaye de faire hein, sur l'invisibilisation de la pensée des femmes n'implique pas une stigmatisation des méchants hommes qui systématiquement essaieraient d'écraser les femmes, parce que il y a aussi beaucoup de femmes qui écrasent les autres femmes ou qui s'écrasent elles-mêmes. Bon, et ce que dit Simone de Beauvoir illustre très bien le mot de Michaud que m'a offert une des participantes à la banque de données, qui est dit: même si tu as eu la sottise de te montrer, sois tranquille, il ne te voit pas. Hein, bon. Et donc, en fait, l'idée que j'ai eue au point de départ donc, de cette initiative est venue de plusieurs expériences, mais une parmi d'autres, je peux en citer une. J'étais dans un colloque il y a un certain nombre d'années, colloque d'épistémologie hein, sur la question art et science. On était 6 intervenants dans la journée, 5 hommes, une femme. Moi, j'étais la femme. Et à la fin de la journée, une journaliste scientifique a fait la synthèse de la journée. Elle a cité les communications de tous, sauf de moi-même. Bon. À la sidération des autres membres du colloque. Bon. Et là, je me suis dit, quand même, c'est fort, quoi, qu'une femme arrive à oublier sur 6 intervenants la seule intervenante femme, c'est quand même assez costaud. Bon. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à réfléchir. Donc, j'ai réfléchi aussi bien avec l'invisibilisation des femmes par d'autres femmes que par des hommes. Hein. Et ce que décrit très bien Simone de Beauvoir, c'est le processus d'intériorisation de l'infériorité, finalement, de la femme. Oui, mais ça fait partie, évidemment, de nos problèmes, de nos handicaps, hein, c'est que ces inégalités sont assez fortement intériorisées. Simplement, elles ne le sont pas au point que lorsqu'on en parle, on n'éprouve pas un sentiment d'injustice. Et c'est ça que je trouve formidable, c'est que même si c'est dans les réactions que j'ai eues quand j'ai lancé cette banque de données, certaines m'ont dit oui, mais finalement je suis un peu responsable de ça parce que j'ai jamais vraiment voulu me faire reconnaître. Pour moi, c'est une démarche un peu masculine, c'est pas mon truc. Bon, c'est rarement le terme de masculin qu'on entend dans ce cas-là, mais c'est le présupposé. Absolument. Et donc il y avait tout cette sorte de réticence d'auto-responsabilisation du problème. Mais quand même, derrière tout ça, il y a toujours un sentiment d'injustice. Quand on raconte, par exemple, je vous donne juste un exemple, hein, une de mes collègues, donc c'est dans la banque de données, m'explique qu'elle a sorti il y a quelques années un livre de philosophie entièrement consacré à la réputation. Elle a été contactée par Sciences Humaines, donc une revue, disons, de vulgarisation, pour faire un numéro spécial sur ce sujet. Elle collabore au numéro, etc., etc. Et elle s'aperçoit, quand elle reçoit le numéro, qu'il n'est pas du tout question de son livre. Hein. Elle n'apparaît pas du tout. Bon, c'est quand même assez extraordinaire. Bon, donc on a quand même un certain nombre d'exemples qui font que, quand on les raconte, les gens trouvent ça anormal. Donc je me dis qu'il y a du, il y a quand même un progrès, c'est-à-dire que même si nous intériorisons en partie cette forme de discrimination très particulière qui est le refus de reconnaître le droit à penser, et notamment à penser théoriquement, quand même, il y a un progrès au sens où maintenant, ça nous paraît inacceptable. Mais qu'est-ce qui vous dit que c'était parce que c'était une femme qu'elle a été oubliée, rien ou parce que vous étiez une femme? Rien ne me le dit de façon formelle, mais j'ai suffisamment connu ce genre de situation et j'ai suffisamment recueilli de plaintes de la part d'autres femmes pour sentir intuitivement que si ça avait été un philosophe homme qui avait fait un livre sur le sujet, le responsable de ce dossier ne se serait pas permis de ne même pas citer son livre. C'est une question d'intuition, c'est une question de connaissance empirique. Voilà. Alors pourquoi est-ce que la parité n'est pas une bonne solution au problème que vous pointez, Nathalie Yannick ? Alors, la parité, c'est rarement une bonne solution parce que elle pourrait avoir du sens. C'est-à-dire imposer un quota, en fait, où il y ait autant d'hommes que de femmes à des postes de pouvoir dans l'université, par exemple. D'accord. Alors, déjà, moi, c'est pas mon problème, parce que ce problème des postes de pouvoir, il a déjà été mis en exergue, soulevé à très juste titre. Il y a eu notamment deux tribunes récemment par des historiennes et par des philosophes qui pointent l'inégalité dans l'accès aux postes de pouvoir, président d'université, membre de jury, etc. On a tout à fait raison de le pointer, simplement ça a déjà été fait. Donc moi ce qui m'intéresse c'est de faire quelque chose qui n'a pas été fait parce qu'on ne le sait pas encore, il faut bien apporter du savoir, c'est ça le rôle des chercheurs. Donc j'essaye d'apporter quelque chose qui n'existe pas, donc j'apporte la documentation sur cette question de l'invisibilisation de la pensée. Mais si on revient à la question des postes de pouvoir, je pense que la parité n'a pas de sens dès lors que la population de référence n'est pas égalitaire. C'est-à-dire que si dans une discipline académique, vous avez 2/3 d'hommes pour un tiers de femmes, vouloir que la commission de recrutement d'un poste universitaire soit paritaire, c'est-à-dire qu'il y ait autant d'hommes que de femmes, c'est absurde, parce que du coup, vous allez devoir demander à des femmes d'y être présentes uniquement parce que ce sont des femmes et non pas parce qu'elles sont compétentes. Ce qui est totalement inacceptable puisque nous sommes dans un univers, le monde de la recherche, de l'enseignement, qui repose essentiellement d'abord sur la compétence. Bon. Et donc, le piège de la parité, c'est que on va faire monter des femmes uniquement parce qu'elles sont des femmes et que du coup, va s'installer le soupçon que, en fait, si c'était sur la compétence, elle ne serait pas là. Oui, bon, mais l'argument est celui brandi par les militantes, parce que c'est vrai, ce serait un acte davantage de militantisme que de recherche, pour le coup, c'est de dire que cette parité ne serait que provisoire. C'est une manière de faire en sorte qu'on s'habitue ou que les femmes aient accès à ces postes pour qu'ensuite la compétence puisse redevenir le critère principal. Je suis tout à fait contre l'idée d'instaurer une injustice pour compenser l'injustice opposée, parce que ça reste une injustice. Et je trouve que c'est extrêmement dangereux, parce que ça installe au cœur de notre univers de valeurs qui est basé sur le mérite, la compétence, ça installe un autre critère, celui de l'égalité formelle, qui est à l'opposé du critère du mérite. Donc c'est extrêmement dangereux. Mmh. Alors que nous avons un moyen beaucoup plus simple, et qui est d'ailleurs le moyen légal, qui est de dire qu'il faut une composition équilibrée. Équilibrée ne veut pas dire paritaire. Équilibrée veut dire simplement que ça ne soit pas trop disproportionné par rapport à la population de référence. Et d'ailleurs, en ce moment, on est dans des tas de débats lorsqu'on fait des jurys de thèse, parce que la loi stipule maintenant que les jurys de thèse doivent être équilibrés entre hommes et femmes, ce que les responsables administratifs dans les universités transforment en paritaire. Et du coup, exigent qu'il y ait autant d'hommes que de femmes à un jury, ce qui, encore une fois, est absurde dès lors que les populations de référence ne sont pas forcément égalitaires. Alors, si ce n'est la parité, quels sont les moyens d'action que nous pouvons avoir ? La prise de conscience. Ouais. La protestation, hein, c'est d'ailleurs le but du travail que je suis en train de faire. Mais c'est là où vous avez quand même deux casquettes. Vous dites, je ne suis pas militante, je suis chercheuse, mais enfin, si. Alors, quand je publie dans des revues scientifiques, dans des actes de colloque, dans des collections spécialisées en sciences humaines, je suis chercheur. Là, cette banque de données, je ne l'ai pas soumise à une revue scientifique, parce qu'encore une fois, ça n'est pas un travail scientifique. Elle est publiée sur le site internet du Monde, donc c'est un journal. Donc il s'agit plutôt d'un acte militant et non pas d'un acte scientifique. Simplement, il se trouve qu'en tant que sociologue, j'ai accès directement à ces exemples, parce que je suis en première ligne pour avoir des exemples, soit me visant moi-même, soit visant d'autres collègues. Alors la protestation, on a pu en entendre de plusieurs exemples ces derniers temps. Je vous propose d'écouter la voix de la philosophe Elsa Dorlin, qui faisait partie des signataires de la tribune pour en appeler à davantage de femmes dans le milieu universitaire philosophique, paru dans Libération il y a quelques semaines. Il y a eu une interdiction effective qui a pesé sur les femmes pour leur interdire de philosopher, pour leur interdire d'accéder à la sphère du savoir, qui plus est à la philosophie qui était considérée comme la discipline reine par excellence, celle de la raison, etc. Donc les femmes ont été empêchées d'accéder à ce domaine en raison de préjugés sexistes. Elles n'étaient pas capables, ou elles n'étaient pas suffisamment intelligentes, ou trop perturbées par leur utérus, leur imagination, etc. Elles déraisonnent dans une certaine mesure. Or, il y a eu, malgré ces interdits, il y a toujours eu des femmes qui ont accédé à la philosophie dans l'Antiquité, mais je pense tout particulièrement à l'âge classique. Il y a beaucoup de travaux de femmes philosophes, mais qui sont complètement minorisées, oubliées, en fait, ou qui sont considérées comme purement anecdotiques. Et là, il y a vraiment une approche qui est problématique, qui relève d'un biais en termes de genre, et qui fait que finalement, on se prive de tout un pan de la bibliothèque philosophique qui serait aussi une façon d'enrichir le corpus qui est communément admis comme philosophique. Ce que pointe Elsa Dorlin ici au micro de Colomba Grossi, c'était le 19 octobre dernier, c'est l'absence des femmes aussi dans l'histoire de la philosophie au sens officiel du terme dans les manuels scolaires. Alors, dit-elle, et vous semblez aussi souscrire à cette hypothèse, les femmes, alors peut-être pas dans le milieu universitaire à laquelle elles n'avaient pas accès, ont quand même toujours produit une pensée. Mais que celle-ci a été invisibilisée précisément pour montrer qu'il n'y a rien de compliqué. Alors c'est un petit peu plus complexe que ça parce que comme vous l'avez très bien dit, quantitativement les femmes ont été beaucoup moins nombreuses tout simplement parce que encore une fois l'accès aux professions universitaires est très récent pour les femmes. Donc on ne peut pas non plus penser qu'il y a eu énormément de femmes qui auraient produit des tas de trucs formidables et qu'on aurait exprès mis ça sur le tapis. Pas des chercheurs parce qu'en plus le statut n'existait pas, mais oui. Une production intellectuelle faite par des femmes, ça pour le coup on en a des bien traces sûr, qui remontent sûr, à il y a bien longtemps. Bien sûr. D'ailleurs, une des participantes à la banque de données m'a raconté qu'elle a publié un article sur Marie de Gournay, une philosophe, qu'elle a intitulé « La femme, un monstre philosophique ?» et que l'article a été réintitulé par les responsables de la revue « Le philosophe, un monstre philosophique ?» et qu'elle a essayé 10 fois d'envoyer des mails pour demander que ce soit corrigé, ça n'a jamais été corrigé. Vous voyez, un exemple parmi d'autres, ouais. Hein, voilà un bel exemple. Alors que pensez-vous de la tribune des philosophes qui en fait était un écho ou un deuxième pavé jeté dans la même mare par les historiennes quelques jours avant qu'on trouvait dans Le Monde avec ce titre « En histoire, mettons fin à la domination masculine ». Vous n'avez pas signé cette pétition, vous connaissez de pétition. De toute façon, je ne suis pas historienne, vous n'êtes ni historienne, philosophe, donc je n'avais pas de raison de la signer. Bon, par solidarité, il n'y en avait pas que des historiens ou des philosophes. On ne me l'a pas soumise, donc, de toute façon. Mais je crois que par ailleurs, vous êtes un peu critique. Oui, d'abord, je suis critique sur l'idée de la parité qui était présente dans la pétition des historiennes, pour les raisons que j'ai expliquées. Je suis aussi un peu critique de la tribune des philosophes sur la façon dont elle a été rédigée, parce qu'il y a un recours à l'idée de la spécificité du féminin avec une tendance, alors je ne sais plus ce qu'il est dit de l'écriture inclusive, mais je crois qu'il était question d'utiliser l'écriture inclusive, le E majuscule à la alors, fin de philosophe. Oui, combien de philosophes, comme philosophe est un terme qui s'écrit de la même façon au féminin ou au masculin, ils ont mis le E majuscule à la fin, oui, philosophe oui, avec un E oui, majuscule. Oui. Et ça je trouve ça absurde parce que c'est totalement idiot par rapport à la langue française où on sait très bien que... Oui, mais c'est une manière de rendre visible pour le coup. Mais pourquoi rendre visible en tant que femme? Je ne veux pas que nous soyons considérés comme devant être reconnus en tant que femmes. Je veux que nous soyons considérés comme devant être reconnus en tant que chercheurs. Oui, mais votre et travail porte quand même sur les femmes qui ne sont pas reconnues en tant que chercheurs. Oui, mais justement, il ne s'agit pas de stigmatiser une absence de reconnaissance en tant que femme. C'est une absence de reconnaissance en tant qu'elles sont productrices d'un savoir qui mérite d'être reconnu. C'est l'invisibilisation parce que femme qui me pose problème. Et l'idée de rendre visibles les femmes parce que femme me poserait tout autant problème. Parce que je suis absolument contre l'idée de devoir affirmer en toutes circonstances et dans tous les contextes le féminin. Je pense que la différence des sexes, elle est extrêmement pertinente et importante et intéressante dans certains domaines, notamment le domaine de la vie privée. Mais dans le domaine professionnel, dans le domaine civique, dans le domaine politique, elle doit être suspendue parce qu'elle n'est pas pertinente. Et je suis absolument contre pour cette présent, l'idée de l'écriture inclusive, de la féminisation systématique des noms de profession, etc. Tout simplement parce que le neutre est quelque chose de formidable sur lequel nous pouvons nous reposer en tant que féministes universalistes pour nous donner des espaces où enfin la différence des sexes n'est pas le problème et où nous pouvons nous affirmer en tant que citoyenne, en tant que chercheur, en tant qu'ayant une profession, sans être sans arrêt renvoyée à notre statut de femme. Oui, mais pourtant, c'est ça qui, votre banque de données restitue des situations qui mettent en scène l'invisibilité des femmes. Ça aurait pu être l'invisibilité de certaines classes sociales, d'autres critères que celui du genre. Encore une fois, il s'agit de protester contre le fait d'être discriminée parce que femme, mais pas pour être reconnue en tant que femme. C'est pour être reconnue en tant que chercheur, en tant que professionnel, en tant que journaliste, en tant que tout ce qu'on veut. Mais il faut faire la différence. Oui, mais sauf que de manière militante, c'est très difficile de faire la différence. Oui, se battre pour qu'on soit reconnue en tant que chercheur et pas en tant que femme, mais que ce sont des femmes qui disent ça à propos de femmes. C'est assez simple, je pense que c'est assez simple à comprendre, et c'est là où je trouve que ces deux tribunes opèrent des glissements un peu problématiques, qui fait que je ne les aurais pas signées, même si je suis d'accord avec leur objectif, hein, de mettre fin à des discriminations, mais les moyens pour y parvenir me paraissent pas très bons, parce que encore une fois, je ne pense pas du tout que la fin de l'inégalité entre hommes et femmes doivent s'obtenir par une affirmation systématique du féminin, c'est au contraire par une suspension de la différence des sexes qu'elle doit s'obtenir. Mais par exemple, sur le fait que très peu de textes de philosophes femmes figurent dans les manuels scolaires. Alors, c'est pour deux raisons. D'une part, parce qu'en effet, probablement, il y a des femmes qui mériteraient d'y être et qui ont été invisibilisées, et là, il faut protester. Mais c'est aussi parce qu'il y a eu beaucoup moins de femmes philosophes, et donc beaucoup moins de chances de voir apparaître des femmes importantes. Il ne faut pas non plus vouloir à tout prix une conception paritaire des choses lorsqu'encore une fois la population de référence n'est pas paritaire. Si vous avez deux femmes philosophes pour 200 hommes philosophes, il y a assez peu de chances qu'il faille trouver des femmes géniales parmi les deux philosophes. Vous voyez ce que je veux dire, il faut aussi tenir compte des réalités statistiques qui font que pour des raisons liées à l'inégalité entre les sexes, l'accès des femmes à des positions professionnelle d'une part et de visibilité d'autre part a été très longtemps extrêmement entravée. Donc du coup, il y a de toute façon moins de femmes qui ont été amenées à produire des choses. Et alors, ce qu'il faut obtenir, c'est que parmi les femmes qui ont fait des choses importantes, elles soient reconnues comme telles. Mais de là à vouloir dire qu'il faudrait qu'il y ait autant de femmes que d'hommes dans les manuels scolaires, c'est aberrant. Il y a des revendications en ce moment pour dire qu'il faudrait que sur les cimaises des musées, il y ait autant de femmes artistes que d'artistes hommes, ce qui est totalement délirant compte tenu de l'histoire de l'art. Justement, puisque vous parlez de l'histoire de l'art, est-ce que ce que vous pointez dans le milieu universitaire concerne aussi d'autres domaines, comme le domaine artistique, sur lequel vous avez travaillé? Tout à fait. Alors, là-dessus, on a des chiffres, mais malheureusement un peu anciens, puisque Raymonde Moulin avait dirigé une enquête dans les années 70 sur les artistes, et elle avait, cette enquête, alors très scientifique, statistique, etc., avait montré que à l'entrée dans la carrière, il y a très peu d'inégalités hommes-femmes. C'est-à-dire qu'il y a à peu près autant de jeunes femmes qui entrent dans la carrière d'artiste que d'hommes. Mais l'inégalité se forme au moment de la reconnaissance, c'est-à-dire les indicateurs de visibilité des artistes. Là, il y a des écarts absolument énormes. C'est-à-dire que les femmes artistes ont beaucoup plus de mal à être reconnues que les hommes artistes. Alors, les esprits peut-être un peu chagrins pourraient dire c'est parce qu'il y a moins d'artistes femmes intéressantes. Mais à ce niveau d'inégalité, c'est peu probable. À ce niveau d'inégalité, c'est que les intermédiaires culturels qui font les réputations, les critiques d'art, les conservateurs de musées, les commissaires d'expo, les galeristes, etc., ont tendance, et ça c'est dit par beaucoup de gens dans le monde de l'art, à considéré a priori comme moins intéressant le travail d'une femme. Bon, et ça, c'est évidemment une injustice énorme. Et là, on retrouve des choses tout à fait semblables à celles du milieu universitaire, sauf que dans le milieu universitaire, c'est d'une certaine façon plus grave. Parce que dans le monde de l'art, ce sont des intermédiaires qui font cette question de la consécration et donc du coup de l'inégalité dans la consécration. Dans le milieu universitaire, ce sont nos pairs, ce sont nos collègues. Hein, et c'est fait en direct. C'est-à-dire que notre voisin dans notre laboratoire, dans notre centre de recherche, va être celui qui va entraver notre reconnaissance en ne nous citant pas. Alors moi, il m'est arrivé par exemple que d'apprendre qu'un de mes collègues dans un des labos auxquels j'appartenais a fait courir le bruit que mon premier livre n'aurait eu aucun intérêt si je n'avais pas été aidée par un autre collègue qui m'a épaulée pour l'écriture de la deuxième version du livre qui a été finalement publié. Il se trouve que le collègue en question qui m'a aidée n'a jamais passé sa thèse et n'a jamais rien publié. Bon, depuis j'ai publié une bonne trentaine de livres. Bon, donc évidemment, c'était une médisance. Hein. Pourquoi est-ce qu'un homme s'autorise à lancer de telles médisances? Et pourquoi, lorsque cette médisance touche une femme, les oreilles sont aussi complaisantes? Parce que j'ai assisté à un certain nombre de scènes comme ça, où il y a une certaine complaisance lorsque on dit du mal du travail d'une femme. Mmh. Et donc contester, c'est ce que vous dites en fait, ce que vous faire, c'est que vous ne pouvez pas revendiquer forcément militer, mais contester, le dire haut et fort. Faire une prise de conscience. En en parlant, tout simplement, en faisant exister, en rendant visible l'invisibilisation. Et vous pensez que ça a une conséquence, disons, éducative? Parce que tout ce processus d'intériorisation de l'invisibilité, de l'infériorité chez les femmes ne peut pas changer si le discours lui-même ne change pas. Et ceux et celles qui veulent intervenir sur la langue directement partent de ce principe-là. C'est que si la langue elle-même véhicule une forme de supériorité du masculin sur le féminin, alors la manière qu'ont les femmes elles-mêmes de se comporter ne peut pas changer. Oui, il y a toutes sortes de moyens par lesquels essayer de faire exister cette prise de conscience, mais juste, je vous donne un exemple, hein, qui est aussi dans la banque de données. Une collègue m'a dit, justement, l'autre jour, hein, elle m'a dit, c'était donc le mois dernier, je reviens d'un colloque, sur scène, il y avait 10 hommes pour une femme. Qui était l'organisateur du colloque? C'était une organisatrice. Eh bien, on a tellement protesté qu'elle a dû s'excuser. Et je pense qu'il y a 10 ans, personne n'aurait protesté. Elle se serait pas excusée. Voilà. Donc la discrimination continue, mais elle commence à devenir insupportable dès lors que on la fait remarquer. Et voilà. Et c'est ça qu'il faut tout simplement obtenir. C'est une prise de conscience collective qui fasse que des choses non acceptables ne soient plus acceptées. C'est entendu. En tout cas, ici, personne ne nous accusera de discrimination dans la salle non plus. Je ne crois pas. En tout cas, on va se quitter avec une certaine rime, des rimes féminines chantées. Récité pour vous par la chanteuse Juliette. Dans un corps vide entrer mon âme, tout à coup être une autre femme, et que Juliette nous rédine, en l'une ou l'autre s'enracine, et lire parmi les éminentes, celles qui me feraient frissonnante, parmi toutes celles qui surent s'ébattre, qui surent aimer, qui surent se battre, mes sœurs innées, mes philippines, mes savantes et mes bécassines. Julie, Juliette ou bien Justine, toutes mes rimes féminines. Clara Zetkin, Anaïs Nin, ou Garbeau dans la Reine Christine, sur le céleste. Merci carousel, à vous, Nathalie, d'être venue nous parler aujourd'hui. Merci. Et merci au public, restez nombreux jusqu'au bout de cette rencontre. Vos travaux sur l'identité féminine, les ambivalences de l'émancipation féminine sont disponibles et seront mis en ligne sur le site des chemins de la philosophie, et votre banque de données, donc sur l'invisibilisation de la pensée des femmes, est également en ligne sur le site du Monde, notamment. Ses beautés, ses intelligences, et jouir du bien ne retrait pas, pour dans leurs pas mettre mes pas. Musidora, la Pavlova, ou mon aïeul, la grande gueule Teresa. Que j'en ai l'esprit ou l'aspect, ou bien même les deux, s'il vous plaît. Juliette Drouet, la signore, ou la grande Mulioni d'idée. Tout voile dehors et en chantant, avec l'une d'elles me révoltant. Flora Tristan, Yvonne Printemps, ou la farouche Isadora Duncan. Pour toute arme ayant leur fierté, pour amante la liberté, les sœurs Bronte, Loïs Labé, ou Louandrea Salomé. Mais même s'il faut en payer le prix, être la fleur, être le fruit, être Alice Guy, être Arletty, Marie Dubas, Marie Curie. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo d'Anastasia Colosimo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un article publié la semaine dernière sur le site de La Vie des Idées, écrit par Romain Badoir, maître de conférences à l'université de Cergy-Pontoise et chercheur au sein du laboratoire Agora. Il est surtout l'auteur de l'ouvrage « Le désenchantement de l'Internet, désinformation, rumeurs, propagande » paru en 2017 chez FIP Éditions. La question que se pose Romain Badoir est une question que nous nous sommes tous déjà posée. L'agressivité qui règne sur Internet est-elle propre à l'agressivité de la nature humaine? Autrement dit, ce qu'on disait hier au PMU, on l'écrit aujourd'hui sur les forums, et Internet a juste rendu cette agressivité plus visible. Ça, c'est la première hypothèse. Ou bien, Internet a-t-il accouché d'une nouvelle forme d'agressivité incontrôlable? Ça, c'est la seconde hypothèse. Pour tenter de répondre à cette question, Romain Badoir revient sur le cyberharcèlement dont a fait l'objet cet été Nadia Daham, journaliste et chroniqueuse sur Europe 1. Souvenez-vous, Nadia Daham avait pris la défense de deux militants féministes, victimes eux-mêmes de cyberharcèlement. Ce qui lui a valu un déferlement de haine sur les réseaux. Menaces de viol, appel au meurtre, divulgation de son adresse personnelle, diffusion des photographies de sa fille accompagnée de l'adresse de son école. Le 3 juillet, le tribunal correctionnel de Paris a fini par condamner deux internautes anonymes à 6 mois de prison avec sursis et 2000 euros d'amende. La décision est inédite. Mais le plus frappant, selon Badoir, c'est les explications des 10 internautes qui soutiennent qu'ils agissaient simplement en troll et que les messages d'une extrême violence étaient en fait humoristiques. Drôle d'humour. Ce fait divers, qui ressemble malheureusement à beaucoup d'autres, permet de se poser la question concrètement. Est-ce Internet qui a inventé les trolls ou bien les trolls préexistaient-ils à Internet? Ou peut-être encore, les trolls ont toujours existé, mais Internet les a rendus beaucoup plus efficaces et beaucoup plus violents. C'est pour cette troisième hypothèse que semblent opter de nombreux observateurs, dont Arnaud Mercier, qui dénonce un ensauvagement des relations sociales sur les réseaux, ou François Jost, qui évoque une démocratisation de la méchanceté. Romain Badoir, lui, opte aussi pour cette troisième hypothèse, mais mobilise, pour tenter de l'expliquer, le concept historiographique de brutalisation, qui désigne initialement un double processus de banalisation et de légitimation de la violence politique dans l'entre-deux-guerres, hérité de l'expérience de la Première Guerre mondiale. L'idée n'est pas du tout de comparer ce qui est incomparable, mais de reprendre ce concept et de voir comment ce concept peut être opérant pour comprendre ce qui se passe sur la toile. En revenant sur de nombreuses études effectuées ces dernières années, Romain Badoir dresse une véritable cartographie des violences sur Internet et livre les mécanismes qui les expliquent. Par exemple, concernant la banalisation de la violence dans les conversations politiques, Badoir note que contrairement à une idée communément admise, elle ne s'explique que très partiellement par l'anonymat des internautes. La banalisation de la violence tient plus à des pratiques culturelles qui sont propres au web, mais aussi à des pratiques sociales, quand l'agressivité en ligne se trouve des justifications morales. L'agressivité n'est pas seulement la marque d'un désarroi, elle est aussi souvent une stratégie très efficace pour faire taire l'adversaire en l'intimidant et s'assurer une visibilité maximale afin de mieux véhiculer les arguments que l'on défend. Le problème se corse lorsque l'on constate que les plateformes des réseaux sociaux elles-mêmes ne sont pas exemptes de responsabilité, puisque leurs algorithmes, leur design, mais aussi tout leur modèle économique favorisent la propagation de propos provocants, virulents et haineux. Les pouvoirs publics tentent bien de réagir en incitant les plateformes à s'investir dans plus de régulation, mais en laissant la main sur ces questions aux seules plateformes, ils prennent le risque, très grave, d'une privatisation des pouvoirs de censure sur Internet. Du côté des pouvoirs publics, la bonne solution reste à trouver. Reprenant des propositions déjà formulées dans des rapports administratifs, Romain Badoir suggère de s'attaquer au marché de la publicité en ligne. En effet, démonétiser les contenus qui propagent des discours de haine pourrait constituer un frein efficace à leur circulation. Mais cela contraindrait les régies publicitaires et les réseaux sociaux à plus de transparence et à beaucoup de bonne volonté, dont il est difficile de croire qu'ils soient capables. Enfin, et surtout, Romain Badoir en est certain, la lutte contre les discours de haine est l'affaire de tous. Elle interroge notre capacité à répondre aux discours de haine autrement qu'en les discréditant d'emblée, nous obligeant à établir un véritable contre-discours argumenté. Vous l'aurez compris, les défis sont immenses et les gens n'auront pas fini de troller de si tôt. Mais en attendant que la toile devienne un havre de paix et d'amour, lisez le remarquable article de Romain Badoir dans La Vie des idées. Merci beaucoup Anastasia, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Et un grand merci à Isis Jourda qui m'a aidé à préparer cette émission avec Marie Simon, Sharon Houry, Anaïs Isbert, Géraldine Mosna-Savoie, c'était Lise Combe et Anna Schmuck à la réalisation. Christian Lahondès, Mathieu Leroy, Stéphane Demort et Jean Fromentin sont à la technique et prise de son. Aujourd'hui, ils permettent l'enregistrement de cette émission depuis le Palais des Beaux-Arts ici à Lille. Merci également à toute l'équipe de production, Francesca Fossati, Virginie Noël à France Culture, Gilbert Glasman et Myriam Pleine-Maison ici à Lille. Colomba Grossi qui est avec nous aujourd'hui également. On se retrouve demain pour la suite de notre série enregistrée ici à Cité Philo Lille, tous féminins. Demain, nous serons en compagnie du linguiste Bernard Cerchiglini. Et nous interrogerons sur la féminisation de la langue française. Est-ce que la langue a un sexe ou non? Est-ce que tous les noms auraient leur féminin? Vous verrez, c'est délicieux. Il y sera aussi question de l'oulipo. Demain, pour vous, chers auditeurs, et demain, pour vous aussi, Public Les Lois, ce sera à 11h, au même endroit. Je vous attends. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture, la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez, avec qui vous voulez, hommes et femmes. À demain, donc, sur France Culture. D'ici là, restez à l'écoute.